Et on part maintenant du côté de la chronique technologie d'information avec Raymond Poirier, comme chaque lundi. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Ça va bien? Oui, ça va très bien. En cette fête du travail. Oui. Alors aujourd'hui, on parle d'accessibilité et web au profit vivant avec des handicaps. Exactement, parce que nécessairement, on parle beaucoup de la dématérialisation, donc l'idée que les administrations, que les gouvernements vont se transiter tranquillement vers le numérique, vers le web pour des formulaires, pour de la réglementation, de l'information. C'est déjà le cas quand même de plus en plus au niveau de l'information qui est disponible. Quand on parle d'accessibilité, ben ça peut sembler peut-être lointain pour une majorité d'internautes potentiels, mais dans l'absolu, pour d'autres, au contraire, c'est des enjeux qui sont décisifs pour pas devenir des citoyens de seconde classe, là, si on pousse un peu plus. Là. Parce que si on va simplement chercher les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, on parle de 27% des personnes handicapées qui n'ont jamais eu accès à Internet au Royaume-Uni. Donc, toutes les chiffres que je vais te donner sont issus de l'Angleterre. C'est eux qui sont un peu plus préoccupés à ce jour de cette thématique-là. Faut dire qu'eux sont quand même aussi assez avancés dans le contexte de cette transition-là. Mais évidemment, c'est le cas là-bas, c'est le cas ailleurs. C'est des chiffres quand même qui peuvent se ressembler. Alors, dans ce contexte-là, on parle d'une société qui a de plus en plus de services en ligne. Donc, nécessairement, ben, ce 27% de gens-là, ben, faut trouver une façon d'aller les chercher, de les amener vers le web. Donc, il y a ce contexte-là à garder en tête. De toute façon. Mais on parle de quel type de service? Vraiment pour toutes les choses de la vie quotidienne? Oui, exactement. Mais en fait, quand on parle d'accessibilité au web, de manière générale, là, si je me fie à la décision de la Web Accessibility Initiative, c'est l'idée de rendre accessible Internet aux personnes handicapées. Donc, de s'assurer que tous puissent percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec le web et également d'y contribuer, parce que il y a une notion d'émetteur qui est très, très importante. Donc, quand on parle d'accessibilité, c'est un enjeu majeur qui, évidemment, se limite pas non plus aux aveugles et aux malvoyants. En France, on parle d'à peu près 200 000. Ça inclut aussi les handicaps cognitifs et moteurs. Donc, on parle de cette idée-là que quand on veut rendre un site accessible, ça présente d'autres avantages qui dépassent simplement le large champ et le simple champ du handicap. Donc, il y a aussi une question des handicaps temporaires, des personnes âgées, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver une façon pour, disons, travailler beaucoup et développer l'expérience utilisateur. En fait, dans le jargon des programmeurs, c'est le UX, si on peut dire. Donc, l'idée de concevoir des sites en ayant en tête, justement, cette question-là d'accessibilité. Et donc, dans ce contexte-là, ça amène aussi une architecture du site qu'on va essayer de mettre la plus logique possible, avec un contenu plus facilement accessible possible et sans nécessairement justement avoir une explosion d'éléments visuels qui vont venir supporter tout ça. Certainement. Oui. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment, quand on pense à l'accessibilité dès l'origine d'un projet web, donc c'est d'essayer de faciliter, dans le fond, la stricte séparation entre le contenu, donc quand on parle d'articles, d'images, de vidéos, et le site lui-même. Donc, d'une certaine façon, il y a des gens pour qui le site il représente pas d'intérêt parce que, justement, ils ont des difficultés de cet accès-là. Mais le contenu, lui, est important. Donc, faut trouver une façon de leur donner accès aisé au contenu, aux mises à jour, sans nécessairement qu'ils soient pris avec l'architecture peut-être un peu plus ludique du web. Et donc, évidemment, dans un contexte comme celui qui est amené en Angleterre, comme les préoccupations qui sont soulevées dans différents à différents degrés, ceux qui sont interpellés là-dedans, c'est les agences web, c'est les entreprises, les administrations, les développeurs, les designers, les concepteurs de logiciels. Donc, un peu tout le monde, dans le fond, qui doivent améliorer l'accessibilité des sites Internet pour façonner, évidemment, un site, un web, dans le fond, qui est plus accueillant pour tous. Donc, ça, c'est l'idée. Évidemment, il y a toujours une distinction entre l'idée et la nécessité, dont on en parlait au départ, puis aussi dans la pratique, parce que les multiples acteurs que je te mentionnais, Jessica, sont naviguent dans un flou, un manque d'informations, pourrait dire, du moins selon certains experts qui sont relayés dans un intéressant article sur Regard sur le numérique, sur la question, justement. Donc, l'élément qu'on remarque, c'est que tout ça, même si normalement ça devrait être pris dès le départ dans la question du déploiement de sites web, c'est généralement oublié. Mais là, on parle beaucoup de sites Internet, mais est-ce que ce sont des utilisateurs comme tout le monde, finalement? Puis, il y a aussi beaucoup la problématique du mobile. Donc, ça veut dire que le web sur ordinateur a des problématiques, mais si on passe sur le mobile ou la tablette, il y en a encore d'autres. Oui, mais il y en a encore d'autres qui sont peut-être les mêmes à un certain degré, mais parallèlement qu'il y a d'autres problèmes aussi d'adaptabilité au niveau des formats et le reste. Évidemment, quand on parle de tablette, pour certains types de handicap, c'est pas nécessairement non plus un outil qui est facilement utilisable. Je prends l'exemple, en fait, de la grosseur des cases, du type d'éléments. Donc, c'est pas nécessairement facile pour tous. Donc, des fois, il y a aussi, justement, d'autres applications qu'il faut penser différemment pour s'assurer, justement, d'une accessibilité la plus large possible aux applications aussi qui sont développées. Et ces applications-là peuvent aussi parfois servir, justement, de porte d'entrée vers d'autres outils. Mais ça reste une thématique, si on peut dire, assez large, avec beaucoup de recommandations aussi, parce que tu évoques un pan, il y a plein d'autres pans, que ce soit la compréhensibilité des sites, genre des termes, la percibilité, l'usabilité, etc. Je pense, en fait, les organismes qui militent, si on peut dire, ou qui accompagnent les créateurs web, qui essaient de mettre en place, justement, des labels ou des choses comme ça, ont mis à peu près en ligne 1000 pages de recommandations simplement pour des pans de ça. Donc, c'est vraiment assez large, évidemment. Mais donc, il y a des moyens d'essayer de développer des choses qui sont un peu plus adéquates, un peu plus faciles pour permettre une plus large utilisation du web. Je parlais d'applications. Évidemment, si on sort un peu de la notion de site web, juste ici à l'Université Laval, il y a une application mobile qui avait été conçue pour un enfant ayant des troubles d'apprentissage qui tenait un certain essor. L'idée, c'était d'essayer de travailler avec cette jeune fille-là pour créer une application qui va lui permettre d'enrichir son vocabulaire en associant des mots à des images, reconstituer des éléments à partir de formes géométriques et autres, avec une perspective de modification là, facile pour les parents de cette jeune-là. Mais donc, c'est cette jeune-là qui avait des problèmes... j'essaie de retrouver le terme, là. Mais disons qu'il y avait des défis au niveau justement de la motricité des yeux vers la main. Donc ça devenait utile. Parallèlement, on dit aussi que, par exemple, avec des Kinect, on peut aussi faciliter la prise de contact entre des personnes qui souffrent d'autisme et d'autres jeunes. Donc ça fait comme une plateforme d'interaction. Ça peut-être aussi être une piste intéressante à explorer. Donc il y a quand même plusieurs petites initiatives comme ça qui se développent en parallèle, évidemment, mais qui sont peut-être plus appliquées sur des applications, sur des jeux ou sur des jeux éducatifs, des jeux sérieux, comme on dit. Et en parallèle, il y a aussi la notion d'accès au web qui doit peut-être prédominer au bout du compte dans ces développements-là. Mais c'est autant un défi, comme on le disait, pour les sites Internet avec des investissements que pour les appareils qu'on va utiliser. Donc, deux problématiques bien différentes, mais très complémentaires. Voilà. En tout cas. Et si je me trompe, juste pour conclure, il y a quand même des compagnies qui misent plus là-dessus que d'autres. J'avais entendu dire que Apple, par exemple, dans sa politique d'accessibilité aux États-Unis, il y a une loi qui indique qu'il faut que tout soit bien le plus efficace possible pour que les personnes portant des handicaps puissent accéder à tous leurs appareils. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des compagnies qui creusent un fossé là-dessus sur cette recherche? Ça devient important. Effectivement, puis tu vois, dans les sites des articles que je disais, il y avait des gens d'Apple qui réagissaient, des gens de Microsoft et d'autres grandes entreprises comme ça. Donc, oui, la question se pose chez un peu tous les acteurs. Ça représente quand même aussi, dans le fond, un pourcentage qui est important. Si on couple, en plus, si on ajoute d'autres franges de la population qui, pour d'autres raisons, au niveau de la littératie, par exemple, ont des difficultés aussi à utiliser le web, mais peut-être qu'encore là, il y a des éléments qui peuvent être développés dans ce sens-là. Donc, disons que c'est une préoccupation qui me semble présente, mais la question, c'est de voir justement entre l'obligation puis la réalisation, ça reste au niveau commercial, pas nécessairement une majorité des gens non plus. Donc, c'est une portion importante. Évidemment, il n'y a pas de portion qui n'est pas importante, mais pour l'instant, reste à voir justement de quelle manière ça va se développer quand les impératifs commerciaux vont rentrer un peu là-dessus. Évidemment, en parallèle, c'est intéressant. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était l'ONU qui avait déclaré, non, c'était l'UNESCO qui avait déclaré que l'accès à Internet devrait être reconnu comme un droit fondamental à l'égal d'autres droits fondamentaux là, pour la notion d'expression de la citoyenneté. Donc, quand ces perspectives-là vont devenir peut-être un peu plus généralisées, il y a aussi cette dimension d'obligation qui va être toujours de plus en plus forte. À côté de notre conscience personnelle et collective, à côté des lobbies qui demandent justement ce type d'ajout-là, à côté des usagers eux-mêmes qui les réclament évidemment, va s'ajouter aussi d'autres impératifs moraux finalement. Eh bien, toute une série de défis encore qui nous attend dans ce domaine du numérique. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis la semaine prochaine, on se retrouve justement avec l'histoire du numérique. Tu viendras avec un invité. Exactement. Donc, voir un peu comment ça a évolué des années 1900. Aujourd'hui, on parle beaucoup de numérique. Mais d'où ça vient, puis ça date pas d'hier, et on va s'en rendre compte. On va explorer un peu tout ça pour, je pense, se repositionner, alors qu'on a l'impression que nos sociétés amorcent un nouveau sprint, là, si on peut dire, dans ce domaine-là. Donc, on va apprendre vraiment que c'est plus vieux qu'on ne l'imagine. Oh oui! Merci beaucoup, Raymond Poirier. À lundi prochain.